chante les guitares. Les guitares, oui, chante et chante les guitares. Les guitares, chante les guitares. Les guitares, oui, chante et chante les guitares. Son goût sur des rivages, marre de pétrole, combat total, en pleine de soufre, tout au gasoil, et plus de carriole, tout au gasoil, et plus de carriole, de charrette non plus. Extraterrestre, oui, on danse, prélasse, oui, total, sous nos glaces. Son pot d'échappement, aucune échappatoire. Prévoir son carburant, patauger dans la mare. Son pot d'échappement, aucune échappatoire. Prévoir son carburant, patauger dans, oui, la mare. Chante les guitares.